à nous autres même. On pense. On n'a pas besoin de penser. On n'a pas besoin de mémoire. Faut que l'âme cesse de se servir de l'ego. Puis tant qu'on pense, puis qu'on a de la mémoire, l'âme se sert de l'ego. Parce que l'âme est abreuvée d'expérience, assoiffée d'expérience. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'expérience. It's a one-track mind. L'expérience, puis de l'expérience, puis de l'expérience, puis de l'expérience. Il y a un Christ de bout à l'expérience. Quand t'as de l'intelligence, t'as plus besoin d'expérience. Voilà ce que je veux dire. Quand tu sais, c'est final. Fait que sur le spot, tu m'ouvres. Sur le spot, tu m'ouvres. Sur le spot, tu m'ouvres. Tu prends des décisions, tu prends des décisions. Ça, c'est de l'intelligence, puis de la volonté. Ça appartient à l'ego. T'es plus soumis à rien. Ni aux hommes, ni à l'art. Tu fonctionnes créativement. Tu fonctionnes, tu fonctionnes, tu fonctionnes, tu fonctionnes. Puis tu meurs pas. Il y a pas un mot où il dit qu'on te fait mourir. Mais, pour vivre ça, cette intensité-là, cette réalisation-là, on a besoin d'intelligence. Je suis pas pour vous nourrir toute ma vie. J'ai quelques années à vous nourrir. Mais un jour, il va falloir que vous vous nourrissiez tout seul.